Relativement aux exercices d'opérations spéciales livrés plus frénétiquement par les États-Unis et les autorités sud-coréennes contre notre République, le porte-parole de l'Association générale des Coréens en Chine a publié récemment une communication titrée « Que les États-Unis et leurs fantoches sud-coréens s'abstiennent immédiatement de la provocation de guerre ». Par ailleurs, dans sa communication datée du 12, le président de l'Association des jeunes Coréens en Chine a souligné que la victoire finale appartient au peuple coréen dressé dans la lutte anti-américaine avec une résolution inébranlable.